Chapitre 5e, le baron de Tavernet. Tout prévenu qu'il était par Gilbert de la pénurie du baron de Tavernet, celui qui venait de se faire annoncer sous le nom de baron Joseph Balsamo n'en fut pas moins étonné en voyant la médiocrité de la demeure baptisée emphatiquement par Gilbert du nom de château. La maison n'avait guère qu'un étage formant un carré long, aux extrémités duquel s'élevaient deux pavillons carrés en forme de tourelle. Cet ensemble irrégulier ne manquait pas cependant, vu à la pâle lueur d'une lune glissant entre des nuages déchirés par l'ouragan, d'un certain agrément pittoresque. 6 fenêtres par bas, 2 fenêtres à chaque tourelle, c'est-à-dire une par étage, un perron assez large, mais dont les marches disloquées formaient de petits précipices à chaque jointure, tel fut l'ensemble qui frappa le nouvel arrivant avant de monter jusqu'au seuil, où, ainsi que nous l'avons dit, attendait le baron en robe de chambre à un bougeoir à la main. Le baron de Tavernet était un petit vieillard de 60 à 65 ans, à l'œil vif, au front élevé mais fuyant. Il était coiffé d'une mauvaise perruque, dont les bougies de la cheminée avaient peu à peu et accidentellement dévoré tout ce que les rats de l'armoire avaient épargné de boucles. Il tenait en main une serviette d'une blancheur problématique, ce qui indiquait qu'il avait été dérangé au moment où il allait se mettre à table. Sa figure malicieuse, à laquelle on eût pu trouver quelque ressemblance avec celle de Voltaire, s'animait en ce moment d'une double expression facile à saisir. La politesse voulait qu'il sourie à son hôte inconnu. L'impatience changeait cette disposition en une grimace dont la signification tournait décidément à l'atrabilaire et au rechigner, de sorte qu'éclairée par les lueurs tremblantes du bougeoir, dont les ombres hachaient les principaux traits, la physionomie du baron de Tavernet pouvait passer pour celle d'un très laid seigneur. « Monsieur, dit-il, puis-je savoir à quel heureux hasard je dois le plaisir de vous voir ? Mais, monsieur, à l'orage, qu'a effrayé les chevaux, lesquels, en s'emportant, ont failli briser ma voiture. J'étais donc là, sur la grande route, sans postillon. L'un s'était laissé tomber le cheval, l'autre s'était sauvé avec le sien, lorsqu'un jeune homme que j'ai rencontré m'a indiqué le chemin qui conduisait à votre château en me rassurant sur votre hospitalité bien connue. » Le baron leva son bougeoir pour éclairer un plus large espace de terrain et pour voir si dans cet espace il découvrirait le maladroit qui lui valait cet heureux hasard dont il parlait tout à l'heure. De son côté, le voyageur chercha autour de lui pour voir si, bien décidément, son jeune guide s'était retiré. « Et savez-vous comment se nomme celui qui vous a indiqué mon château, monsieur ?» s'écria le baron de Tavernet en homme qui veut savoir à qui exprimer sa reconnaissance. « Mais c'est un jeune homme qui s'appelle, je crois, Gilbert. »« Hein, Gilbert ? » ?»« Je n'aurais pas cru qu'il fût bon même à cela. Ah, c'est le fainéant Gilbert, le philosophe Gilbert !» À ce flux d'épithètes, accentué d'une menaçante façon, le visiteur comprit qu'il existait peu de sympathie entre le seigneur suzerain et son vassal. « Enfin !» dit le baron après un moment de silence, non moins expressif que ses paroles. « Veuillez entrer, monsieur. »« Permettez d'abord, monsieur, dit le voyageur, que je fasse remiser ma voiture, qui contient des objets assez précieux. »« L'abri !» cria le baron. « L'abri ! Conduisez la voiture de monsieur le baron sous le hangar. Elle y sera un peu plus à couvert qu'au milieu de la cour, attendu qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il reste des lattes. Quant aux chevaux, c'est autre chose. Je ne vous réponds pas qu'ils trouvent à souper. Mais comme ils ne sont point à vous, et qu'ils sont au maître de poste, cela doit vous être à peu près égal. Cependant, monsieur, dit le voyageur impatient, si je vous gêne par trop, comme je commence à le croire... Oh, ce n'est pas cela, monsieur, interrompit poliment le baron. Vous ne me gênez point. Seulement, vous serez gêné, vous, je vous en préviens. Monsieur, croyez que je vous serai toujours reconnaissant. Oh, je ne me fais pas d'illusions, monsieur, dit le baron, en levant de nouveau son bougeoir pour étendre le cercle de lumière du côté où Joseph Balsamo, aidé de l'abri, conduisait sa voiture, et en haussant la voix à mesure que son hôte s'éloignait. « Oh, je ne me fais pas d'illusions. Tavernet est un triste séjour, et un pauvre séjour surtout. » Le voyageur était trop occupé pour répondre. Il choisissait, comme il y avait invité le baron de Tavernet, l'endroit le moins délabré du hangar pour y abriter sa voiture, et quand elle fut à peu près à couvert, il glissa un louis dans la main de l'abri et revint près du baron. L'abri mit le louis dans sa poche, convaincu que c'était une pièce de 24 sous, et remerciant le ciel de l'aubaine. « À Dieu ne plaise que je pense de votre château le mal que vous en dites, monsieur, » répondit Balsamo en s'inclinant devant le baron, qui, comme seule preuve qu'il lui avait dit la vérité, le conduisit en secouant la tête à travers une large et humide antichambre en grommelant. « Bon, bon, je sais ce que je dis. Je connais malheureusement mes ressources. Elles sont fort bornées. Si vous êtes français, monsieur le baron, mais votre accent allemand m'indique que vous ne l'êtes pas, quoique votre nom italien. Mais cela ne fait rien à la chose. Si vous êtes français, disais-je, ce nom de Tavernet vous eût rappelé des souvenirs de luxe. On disait autrefois Tavernet le riche. » Balsamo pensait d'abord que cette phrase allait se terminer par un soupir, mais il n'en fut rien. « De la philosophie, » pensa-t-il. « Par ici, monsieur le baron, par ici, » continua le baron en ouvrant la porte de la salle à manger. « Hola, maître Labri, servez-nous comme si vous étiez sans valet de pied à vous tout seul. » Labri se précipita pour obéir à son maître. « Je n'ai que ce laquais, monsieur, » dit Tavernet, « et il me sert bien mal. Mais je n'ai pas le moyen d'en avoir un autre. Cet imbécile est resté avec moi depuis près de 20 ans sans avoir touché un sou de gage et je le nourris, à peu près comme il me sert. Il est stupide, vous verrez. » Balsamo poursuivait le cours de ses études. « Sans cœur, » dit-il, « mais au reste, peut-être, n'est-ce que de l'affectation. » Le baron referma la porte de la salle à manger, et seulement alors, grâce à son bougeoir qu'il élevait au-dessus de sa tête, le voyageur put embrasser la salle dans toute son étendue. C'était une grande salle basse, qui avait été autrefois la pièce principale d'une petite ferme élevée par son propriétaire au rang de château, laquelle était si chichement meublée qu'au premier coup d'œil, elle semblait vide. Des chaises de paille à dos sculptés, des gravures, d'après les batailles de Lebrun, encadrées de bois noir verni, une armoire de chêne noircie par la fumée et la vieillesse, voilà pour l'ornement. Au milieu s'élevait une petite table ronde sur laquelle fumait un unique plat qui se composait de perdreaux et de choux. Le vin était renfermé dans une bouteille de grès à large ventre, l'argenterie, usée, noircie, bosselée, se composait de 3 couverts, d'un gobelet et d'une salière. Cette dernière pièce, d'un travail exquis et d'une grande pesanteur, semblait un diamant de prix au milieu de cailloux sans valeur et sans éclat. « Voilà, monsieur, voilà, » dit le baron en offrant un siège à son hôte, dont il avait suivi le coup d'œil investigateur. « Ah, votre regard s'arrête sur ma salière. Vous l'admirez, c'est de bon goût, c'est poli. Car vous tombez sur la seule chose qui soit présentable ici. Monsieur, je vous remercie de tout mon cœur. Mais non, je me trompe. J'ai encore quelque chose de précieux par ma foi, et c'est ma fille. Mademoiselle André ? » dit Balsamo. « Ma foi, oui, mademoiselle André. » dit le baron étonné que son hôte fût si bien instruit. « Et je vais vous présenter à elle. André ! André, viens, mon enfant, n'aie pas peur. » « Je n'ai pas peur, mon père. » répondit d'une voix douce et sonore à la fois une grande et belle personne qui se présenta à la porte sans embarras et pourtant sans hardiesse. Joseph Balsamo, quoique profondément maître de lui, comme on a déjà pu le voir, ne put cependant s'empêcher de s'incliner devant cette souveraine beauté. En effet, André de Tavernet, qui venait d'apparaître comme pour dorer et enrichir tout ce qui l'entourait, avait des cheveux d'un blond châtain qui s'éclairaient aux tempes et au cou. Ses yeux noirs, limpides, largement dilatés, regardaient fixement comme les yeux des aigles. Cependant, la suavité de son regard était inexprimable. Sa bouche vermeille se découpait capricieusement en arc, d'un corail humide et brillant. D'admirables mains blanches effilées, d'un dessin antique, s'attachaient à des bras éblouissants, de forme et d'éclat. Sa taille, à la fois souple et ferme, semblait celle d'une belle statue païenne, à laquelle un prodige eût donné la vie. Son pied, dont la cambrure eût été remarquable près de celui de Diane Jassrès, semblait ne pouvoir porter le poids de son corps que par un miracle d'équilibre. Enfin, sa mise, quoique de la plus grande simplicité, était d'un goût si parfait et si bien approprié à tout l'ensemble de sa personne, qu'un habillement complet tiré de la garde-robe de la reine eût peut-être, au premier abord, semblé moins élégant et moins riche que son simple vêtement. Tous ces détails merveilleux frappèrent au premier coup d'œil Balsamo. Il avait tout vu, tout remarqué, au moment où mademoiselle de Tavernet était entrée dans la salle à manger, jusqu'au moment où il l'avait saluée. Et, de son côté, le baron n'avait pas perdu une seule des impressions produites sur son hôte par cet assemblage unique de perfection. « Vous avez raison, » dit à voix basse Balsamo, en se retournant vers son hôte. « Mademoiselle est d'une précieuse beauté. » Ne lui faites pas trop de compliments à cette pauvre André, monsieur, dit négligemment le baron. Elle sort du couvent. Et elle croirait à ce que vous lui dites. Ce n'est pas, ajouta-t-il, que je redoute sa coquetterie. Au contraire, la chère enfant n'est pas assez coquette, monsieur. Et en bon père, je m'applique à développer en elle cette qualité qui fait la première force de la femme. André baissa les yeux et rougit. Quelque bonne volonté qu'elle y mît, elle n'avait pu faire autrement que d'entendre cette singulière théorie émise par son père. « Disait-on cela, mademoiselle, lorsqu'elle était au couvent ?» demanda en riant Joseph Balsamo au baron. « Et cette prescription faisait-elle partie de l'enseignement donné par les religieuses ?»« Monsieur, reprit le baron, j'ai mes idées à moi, comme vous avez peut-être déjà pu le voir. » Balsamo s'inclina en signe qu'il adhérait complètement à cette prétention du baron. « Non, continua-t-il, je ne veux pas imiter, moi, ces pères de famille qui disent à leurs filles « Sois prude, inflexible, aveugle, enivre-toi d'honneur, de délicatesse et de désintéressement. Les imbéciles !» Il me semble voir des parrains conduisant leurs champions dans la lice, après l'avoir désarmé de toutes pièces, pour lui faire combattre un adversaire armé de pied en cap. Non, par Dieu, il n'en sera pas ainsi de ma fille André, bien qu'élevée à Tavernay, dans un trou provincial. Quoique de l'avis du baron sur la désignation donnée à son château, Balsamo crut devoir mimer une contradiction polie. « Bon, bon, reprit le vieillard, répondant au jeu de physionomie de Balsamo, « bon, je connais Tavernay, vous dis-je, mais quoi qu'il en soit, et si éloigné que nous nous trouvions de ce soleil resplendissant qu'on appelle Versailles, ma fille connaîtra le monde que j'ai si bien connu autrefois. Elle y entrera. S'il y entre jamais, avec un arsenal complet, que je lui forge à l'aide de mon expérience et de mes souvenirs. Mais, monsieur, je dois vous l'avouer, oui, le couvent a gâté tout cela. Ma fille, ces choses-là, ne sont faites que pour moi. Ma fille est la première pensionnaire qui a pris le bon de l'enseignement et suivi la lettre de l'Évangile. Corbleu, convenez que c'est jouer du malheur, baron. Mademoiselle est un ange, répondit Balsamo, et en vérité, monsieur, ce que vous me dites ne me surprend pas. André salua le baron en signe de remerciement et de sympathie, puis il s'assit, comme le lui ordonnait son père par un signe des yeux. « Asseyez-vous, baron, dit Tavernet, et si vous avez faim, mangez. C'est un horrible ragoût que cet animal de l'abri a fricassé. Des perdreaux. Vous appelez cela un abominable ragoût, dit en souriant l'hôte du baron. Mais vous calomniez votre table. Des perdreaux en mai, ils sont donc de vos terres. Des terres à moi. Il y a longtemps que tout ce que j'en avais, et je dois dire que mon bonhomme de père m'en avait laissé une certaine quantité, il y a longtemps, dis-je, que tout ce que j'en avais est vendu, mangé et digéré. Oh mon Dieu, non! Grâce au ciel, je n'en ai plus un pouce de terre, non! C'est ce fainéant de Gilbert, qui n'est bon à rien qu'à lire et rêvasser, et qui, dans ses moments perdus, aura volé je ne sais où un fusil, de la poudre et du plomb, et qui va tuer ses volatiles en braconnant sur les terres de mes voisins. Il ira aux galères, et bien certainement je les laisserai aller, car cela me débarrassera de lui. Mais André aime le gibier, ce qui fait que je pardonne à mon Gilbert. » Balsamo examina le beau visage d'André et n'y découvrit pas un pli, pas un tressaillement, pas une ombre de rougeur. Il s'assit à table entre elle et le comte, et lui servit, sans paraître le moins du monde, embarrassé de la pénurie de la table, sa portion de ce plat fourni par Gilbert, assaisonné par l'abri, et que dépréciait si fort le baron. Pendant ce temps, le pauvre Labri, qui ne perdait pas un mot des éloges que Balsamo donnait à lui et à Gilbert, offrait des assiettes avec une mine contrite qui devenait triomphante à chaque louange que le baron croyait devoir donner aux assaisonnements. « Il n'a pas seulement salé son affreux ragoût !» s'écria le baron, après avoir dévoré deux ailes de perdreau que sa fille avait placées sur son assiette au milieu d'une onctueuse couche de choux. « André, passez donc la salière à monsieur le baron !» André obéit en étendant le bras avec une grâce parfaite. « Ah, je vous prends à admirer encore ma salière, baron, » dit Tavernay. « Pour cette fois, vous vous trompez, monsieur, » reprit Balsamo. « C'est la main de mademoiselle que j'admirais. »« Ah, parfait. C'est du Richelieu tout pur. Mais puisque vous la tenez, baron, cette fameuse salière, que vous avez reconnue tout de suite pour ce qu'elle est, regardez-la. Elle fut commandée par le régent à Lucas l'Orfèvre. Ce sont des amours de satyre et de bacchante. C'est libre, mais c'est joli. » Balsamo remarqua seulement alors que le groupe de figures, charmant de travail et précieux d'exécution, était non pas libre, mais obscène. Cette vue le porta à admirer le calme et l'indifférence d'André, qui, à l'ordre de son père, lui avait présenté la salière sans sourciller et qui continuait de manger sans rougir. Mais comme si le baron eût pris à tâche d'égayer ce vernis d'innocence qui, pareil à la robe virginale dont parle l'écriture, recouvrait toute la personne de sa fille, il continua de détailler les beautés de son orfèvrerie, malgré les efforts de Balsamo pour détourner la conversation. « Ah ça, mangez, baron, dit Tavernet, car il n'y a que ce plat, je vous en avertis. Peut-être vous figurez-vous que l'euro va venir et que les entremets attendent. Détrompez-vous, vous seriez horriblement désappointé. » « Pardon, monsieur, » dit André avec sa froideur ordinaire, « mais si Nicole m'a bien comprise, elle doit avoir commencé un toffet dont je lui ai appris la recette. »« La recette ? Vous avez appris la recette d'un plat à Nicole Leguet, à votre femme de chambre. Votre femme de chambre fait la cuisine. »« Il ne manquerait plus qu'une chose, c'est que vous la fissiez vous-même. » »« Est-ce que la duchesse de Châteauroux ou la marquise de Pompadour faisaient la cuisine au roi ? C'était au contraire le roi qui leur faisait les omelettes. Jour de Dieu ! Que je vois les femmes faire la cuisine chez moi. Baron, excusez ma fille, je vous en supplie. Mais mon père, il faut bien qu'on mange, dit tranquillement André. Voyons, Leguet, ajouta-t-elle d'une voix plus haute. Est-ce fait ? Oui, mademoiselle, répondit la jeune fille, qui apportait un plat de la plus appétissante odeur. Je sais bien qu'il ne mangera pas de ce plat-là, dit Tavernet, furieux, en brisant son assiette. Monsieur en mangera peut-être, dit froidement André, puis se tournant vers son père. « Vous savez, monsieur, que vous n'avez plus que 17 assiettes de ce service qui me vient de ma mère. » Cela dit, elle trancha le gâteau fumant que Nicole Leguet, la jolie chambrière, venait de poser sur la table.